Et maintenant, on continue notre après-midi en compagnie de Raymond Poirier, puisqu'on parle technologie d'information comme chaque lundi. Tu vas nous expliquer ce qu'est le machine learning en anglais, mais l'apprentissage automatique en français. Exactement, on va essayer un peu d'explorer différents buzzwords. On a beaucoup parlé notamment de données massives et je pense en fait que c'est un peu incontournable de tomber à un moment donné dans la question du machine learning, puisqu'il y a quand même un lien assez intime entre les deux. Quand on parle de données massives, je le rappelle, c'est cette quantité immense de données qui est disponible et qu'il faut forer, donc pour aller essayer de trouver des informations, des réponses à différentes questions qu'on peut potentiellement se poser. Et ben le machine learning, l'apprentissage automatique, c'est un peu, entre autres choses, un outil par lequel on peut utiliser les machines, les logiciels, pour nous accompagner ou pour nous aider ou pour faire à notre place ce forage de données-là. Est-ce qu'on en a déjà à disposition là qui sont connus du grand public justement? Ben le meilleur exemple, je pense que c'est Watson, le super ordinateur d'IBM. Si vous avez suivi il y a quelques années, ils avaient fait le test sur la capacité de cet ordinateur-là à fonctionner, à rendre des résultats en le faisant compétitionner au jeu télévisé Jeopardy, donc qui est un jeu de questions d'ordre général. Et évidemment, pour réussir à fournir l'information à un ordinateur de cette nature-là pour un concours comme celui-là, eh ben on n'était pas en mesure de lui inculquer de manière manuelle toutes les informations et il fallait donc réussir à l'amener à apprendre de manière automatique, donc par lui-même, ces données-là. Et aujourd'hui, en fait, Watson, de cette démonstration-là, ben est devenu un super ordinateur qui est beaucoup utilisé dans la sphère médicale. J'explique un peu ce qu'est Watson, peut-être, pour remettre c'est ce en que contexte. J'ai demandé. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est de se dire, on va créer un appareil informatique qui va être capable d'analyser et de prédire. Donc, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, dans la mesure où l'objectif, c'est pas de recréer le mode de pensée humaine, de pensée abstraite et le reste. C'est simplement d'être capable d'analyser la probabilité qu'une réponse soit juste. Exemple, si on vous demande, comme à Jeopardy, ben quel explorateur est venu au Québec en 1934, ben la réponse serait probablement Jacques Cartier, ben lui, justement, il va avoir peut-être, en analysant les données qu'il va avoir obtenues, il va peut-être nous dire ben, qu'il y a 90% de chances que ce soit Jacques Cartier, mais qu'il y a d'autres corrélations. Si on a rajouté des détails où on dit ben, un explorateur européen de telle année, tatati, ben lui va dire ben, OK, il y a peut-être 5% de chances que ce soit tel autre explorateur, etc., etc. Mm-hmm. Mais on lui pose la question directement par écrit? Verbalement. Verbalement, oui, tout simplement. Et donc, dans le fond, lui va être en mesure de se dire ben, OK, si j'ai, mettons, en haut de 85 ou 90 ou 95% de probabilité, on lui donne le cadre, eh ben il va dire ben, OK, voici la réponse. Évidemment, pour qu'il puisse être en mesure d'émettre des probabilités, mais il a fallu lui donner des informations. Et donc, l'idée, c'est de mettre à la disposition de l'ordinateur une quantité imposante de données. Donc, des livres, des ouvrages, des encyclopédies, des dictionnaires, etc., etc. De lui fournir tout ça pour qu'il soit en mesure de faire les corrélations, mais aussi pour qu'il soit en mesure, entre guillemets, d'apprendre ces données-là. Et donc, d'apprendre aussi à, en fonction de différents critères, à forer à l'intérieur de ce qui va constituer, entre guillemets, sa culture générale. Ça, on parle de publication ici. Il va pas aller chercher des réponses sur Internet, par exemple? On pourrait lui demander, mais Internet étant ce qu'il est, lui n'est pas nécessairement en fonction, et là, c'est toujours une question d'algorithme, mais dans ces cas-là, il faut s'assurer que si on va chercher de l'information sur Internet, qu'il est en mesure de classer l'information en fonction de sa qualité. Donc, est-ce que c'est de l'information vraie ou fausse? Est-ce que les sources sont viables ou non? Donc, c'est probablement plus simple d'aller en circuit fermé en sélectionnant une gamme de publications reconnues pour s'assurer justement que l'information soit véridique et de pas fausser la notion d'analyse prédictive qui va être reliée à ça. Évidemment, c'est pas une question de vue de mort quand on est dans un jeu vidéo, quand on est dans un jeu télévisé, mais par contre, dans un contexte d'utilisation santé, là, il y a peut-être un peu plus d'enjeux. Et en santé, évidemment, ça devient intéressant dans la mesure où je peux rentrer dans l'ordinateur, lui demander, ben, OK, j'ai tel symptôme, quelle est la maladie, que je risque d'avoir. Et évidemment, encore ici, il s'agit pas de donner une réponse, mais des probabilités. Mm-hmm. Donc, lui va nous donner un éventail de maladies potentielles, peut-être un éventail de traitements, et ça peut permettre de faire différentes actions en lien avec ça. Donc, ça, c'est un bel exemple de machine learning et qui montre aussi en parallèle, je pense, le potentiel commercial de ça, que ce soit au niveau, évidemment, bon, du marketing et le reste, mais aussi au niveau de la santé, au niveau de l'aide à la décision, donc de champs, entre guillemets, peut-être un peu plus nobles. Mm-hmm. Cet ordinateur est disponible depuis quand? Ça fait déjà quelques années, quand même. En fait, les responsables du projet sont venus un peu après après justement la compétition Jeopardy à Québec. Donc, c'est autour de 2011-2012. Donc, ça remonte probablement à 2010 ou dans ces eaux-là, si ma mémoire est bonne, évidemment. D'accord. Alors, c'est un exemple de machine learning où on parle ici, je dirais, d'apprentissage un peu plus automatique, en fait, d'apprentissage non supervisé, dans la mesure où l'appareil a lui-même appris des données à partir d'une mise à disposition d'un corpus. Et donc, ensuite, c'est à nous d'orienter sa recherche en fonction de différents paramètres. Évidemment, quand on parle d'apprentissage automatique, il y a quand même d'autres approches qu'on peut explorer. Il y a aussi la notion d'apprentissage supervisé. Donc, on lui dit, par exemple, je veux que tu fasses des corrélations. Je veux que tu apprennes à pouvoir faire une analyse d'une situation. Et donc, je te donne des informations, mais je veux simplement que tu ailles chercher les éléments qui ont tel marqueur. Et donc là, de manière supervisée, l'ordinateur va aller chercher ce type d'informations-là et le reste. Donc ça devient quand même un processus assez intéressant dans la mesure où ça simplifie largement la tâche de programmation d'une certaine façon. Donc, une fois que les algorithmes d'apprentissage sont mis en place, on peut laisser l'ordinateur aller. Et ensuite, dans un deuxième temps, la tâche d'analyse est autrement facilitée, là, on s'entend. Mm-hmm. Mais tu parlais de l'utilité, voilà, de ce genre d'ordinateur dans le domaine professionnel, mais dans le domaine grand public, tu l'as évoqué, il me semble, un tout petit peu. En quoi ça va pouvoir nous aider peut-être dans notre quotidien? Est-ce que c'est le but déjà? C'est toujours un peu un impact corollaire, dans la mesure où si on est en mesure d'avoir des meilleurs diagnostics en santé, nécessairement, il va avoir un impact pour le public. Si on est en mesure de mieux analyser de mieux accompagner une analyse probabiliste en lien avec la décision territoriale, en lien avec la décision en santé, etc., etc. Encore là, il va avoir une incidence pour le grand public, mais c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde ne va pas l'utiliser à ce stade-ci. Chez soi. Non, oui. En fait, je pense que éventuellement, peut-être, évidemment, mais on tombe un peu dans des notions de science-fiction à ce stade-ci. mais par contre, ça reste, je dirais, un buzzword pour l'instant, dans la mesure où ça risque d'être un champ de recherche qui sera très prisé en fonction des succès déjà atteints en lien avec le domaine, mais également en fonction des possibilités qui sont offertes là, par ce domaine-là. Mm-hmm. Et dans le marketing, tu l'évoquais un petit peu, qu'est-ce que ça va faire finalement? Être en mesure de mieux connaître le consommateur, de mieux connaître les habitudes des gens, etc., etc. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, une fois que les algorithmes d'apprentissage ou de forage sont créés, mais ce qu'on peut en faire dépend des jeux de données, dans le fond, qu'on va rendre disponibles à ces outils-là. Des sondages, par exemple? Que ce soit des sondages, que ce soit des données statistiques, etc., etc., ça va nous donner différents portraits, des portraits de consommation, de la recherche sur le web, et évidemment aussi en fonction des questions qu'on lui pose et des réponses justes qu'il donne, mais lui, son apprentissage va se poursuivre aussi. Mm-hmm. Puis il va être en mesure de mieux analyser en fonction de différentes probabilités, différents éléments, etc., etc. Donc, toujours réussir à affiner sa maîtrise, si on peut dire, du sujet pour lequel on l'a programmé. Mm-hmm. D'accord. Et si on veut plus d'informations, justement, sur tous ces systèmes-là, est-ce qu'il y a un site Internet, une source d'informations qu'on peut consulter? J'aurais tendance à dire, en fait, si vous faire fouiller autour du machine learning sur le web, vous allez trouver des sources quand même assez intéressantes. Pour l'instant, j'aurais pas de source incontournable, si on peut dire. Moi-même, j'en suis à mes premiers contacts au fil des derniers mois, des dernières années avec ce domaine-là. Et j'en découvre toujours au fil de mes recherches, de mes veilles. Mm-hmm. Bon, alors on va suivre ça de près, quoi qu'il en soit, pour les prochaines chroniques. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Et donc, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique technologie d'information.